tu es toute ma peine, tu inspires la haine. La folie, la passion et la déception se reflètent dans ton prénom. Alors quitte-moi. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Alors quitte-moi. Ne reste pas là. Je t'en prie, Léa. Je t'en prie, Léa. Les gens parlent de notre tendre amour. Moi j'appelle au secours. Je veux consacrer ma vie à Dieu et mes amis. Cracher sur toutes ces filles. Alors quitte-moi. Je